masque de sangchar. Retentit le chant des armes, mélodie de charme au fond du haut. La rage au cœur, on nage, remplie de haine, de rancœur, de sueur. Caniculaire, elle tombe. Lance pointée au firmament, son disque souffle au vent. Depuis un moment, un éclair fait élire les chevaux. Clair et sombre, l'orage gronde, gronde, pas par belle attention. On reste capable, fier et fort, pour faire attention. Malgré la peur au ventre, ta pension parle dans mon ordre. Car coûte qu'on coûte, jusqu'à la dernière goutte de son. On se descendre, on va se descendre, défendre le camp de nos pères, nous sont élevés. Rien de lourd que nos katanas. Un verre de saké pour les proches et ceux qu'on peut massacrer. C'est aujourd'hui que se remarquer nos karmas. Dieu est grand, nous regardons au cas où ça ne se remarquerait pas. Le combat est proche, l'ennemi tente une approche, on poste. Déployez-vous, voyons d'une guerrier de l'Empire, riposte. Pour chaque attaque, chaque assaut, dans leur ligne, créer un véritable chaos. Au-delà du trépas, fondé sous retient un soupir. Le but, faire subir et accroupir. L'ennemi, face au mur, armure, les sabres s'entrechoquent. Quand souffle les murmures, dans nos têtes, les chocs. De la sainte guerre, mère, interdit aux agarres égarés. Autrement, ils seront les premiers à se faire saigner, mourant. Dans une mare de son cafard écrasé. Face au mur, armure, les sabres s'entrechoquent. Quand souffle les murmures, dans nos têtes, les chocs. De la sainte guerre, mère, interdit aux agarres égarés. Autrement, ils seront les premiers à se faire saigner, mourant. Dans une mare de son cafard écrasé, pas de négative. La haine nous aidera au mieux à rester zen positif. Sanglant sera le dénouement de ce dilemme. Frères d'armes à vos armes, enjeu est l'honneur du clan. Pas de quartier terminé, c'est vermine. Serrez les rangs, marquez les pas en suivant le rythme infernal des gangs. Agissez en bande s'il le faut, fumez bien avant des bandes. Que cette horde affamée à notre paillon se heurte. Les esprits du village font vibrer la cime des arbres. Petit frère, prends bien soin de mère. C'est dur, mais faut bien que tu t'y fasses. C'est comme ça en temps de guerre, nul ne se prélasse. Les enfants de commerce aussi qu'on soit pas habitué. En s'être vénéré, vos puissants sont les plans. En s'être vénéré, le silence est d'or. Gentillaine, féroce colombe, haine, hécatombe. Mort pour une cause, martyr et héros. Ma dernière pensée, à mes gagner le lot. Dans son mur, armir les sabres contre choc. Qu'on souffle les murmures, dans nos têtes les chocs. De la sainte guerre, mère interdit aux agarres égarés. Autrement, ils seront les premiers à se faire saigner, mourant. Dans une mare de son cafard écrasé. Dans son mur, armir les sabres contre choc. Qu'on souffle les murmures, dans nos têtes les chocs. De la sainte guerre, mère interdit aux agarres égarés. Autrement, ils seront les premiers à se faire saigner, mourant. Dans une mare de son cafard écrasé. People wanna fight, coming far from the evil. Do you really wanna fight today? Do you really wanna die today? One, two, three, I'll be the man. People wanna fight, coming far from the evil.